détruit B, et B détruit C, et C détruit A, qui lui est détruit par D, et que détruit E. Mais avant que quelqu'un puisse savoir où est le bien et le mal, il n'y aura plus personne pour savoir quoi que ce soit. Ouais, depuis la nuit des temps. Hein, ouais. Que depuis la nuit des temps, l'homme est pire qu'un animal. Il tue sans foi ni loi, qu'il soit meurtrier ou cannibale. Guerre de religion, légions étrangères et mercenaires. La paix sur terre, c'est pas gagné d'avance. Il préfère la guerre, il s'égare. Se sert de son savoir pour tuer. Veut cigare, pouvoir, coffre plein de billets. Car à l'ambitieux, qui a les yeux plus gros que le ventre, qui vise le haut et qui monte comme une plante grimpante. Plante son frère pour ce qu'il a, je comprends pas cette vie-là. Moi je dis la vérité, trop dégoûté, troublé par tout ça. Guerre des nerfs et guerre froide, de Cuba jusqu'à Bagdad. Un monde malade qui se dégrade, où les grosses têtes font pas trop de vagues. Drogue en vogue, plus d'un refrain divague ici-bas. La vie a un prix, c'est comme Tati, nous on a le plus bas. On combat, on se débat, on se débrouille comme d'habitude. Les pieds dans la boue, chacun sa merde, sa solitude. Et puis sûr que depuis la nuit des temps, l'homme est pire qu'un animal. Il tue sans foi ni loi, tu vois, et cela de façon radicale. Expéditive et cruelle, la vie qu'est-ce t'as cru d'elle. Ici y'a pas moyen de voir grand, et même avec des jumelles. C'est un combat, un duel, afin de sortir de ce tunnel. On le sait tous, on veut pas mourir dans une ruelle. De Bruxelles à Constantine, l'homme a commis tant de crimes. Il touche l'enfant innocent, il viole, il assassine. Provoque misère et famine, nous remplace par des machines. La nature il extermine, je veux pas rentrer dans cette combine. J'imagine un monde meilleur à milieu de celui où je suis. La terre la vraie, pas celle qui est transformée en boucherie. Porcherie, pour y vider de ses richesses. La terre prend des rides, ses habitants connaissent la tristesse. Sûr que depuis la nuit des temps, l'homme a le regard fuyant. Esquive la vérité, oublie les larmes en les essuyant. Depuis la nuit des temps, l'homme est pire qu'un animal. Depuis la nuit des temps, les clans se forment et se divisent. Depuis la nuit des temps, les gens se haïssent, se méprisent. Depuis la nuit des temps, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Thank you.